Chapitre 3. Le revolver n'était pas encore devenu une arme usuelle. Peu de gens se précautionnaient de ce joujou, dont quelques mois plus tard on devait faire une si grande consommation et qui alors était un véritable porte-respect. L'inconnu de ma vie en fit une complète expérience. Il n'avait cependant qu'un tout petit revolver de poche, mais d'un acier bien poli qui scintillait en 1000 rayonnements sous la vive lumière des nombreux becs de gaz de la grande allée du jardin. Le jeune homme accusait vivement en effet sa retraite. Il profita de la halte instinctive produite par la vue de son arme pour accélérer sa marche et mettre entre ses adversaires et lui une distance respectable. Mais il fallait franchir la barrière du contrôle et éviter l'intervention des sergents de ville. Fort heureusement, c'était le moment de la soirée où il y a peu de mouvement à la porte du bal. Tous les visiteurs étaient arrivés. Très peu de monde s'en allait. C'était l'heure où les contrôleurs somnolents ne prêtent qu'une médiocre attention à ce qui se passe ou bien cause entre eux. Quant au sergent de ville, il monte dans quelques coins une faction peu vigilante. Il est si rare que leur ministère soit réclamé, et ils savent si naturellement fermer les yeux quand il ne s'agit pas d'affaires politiques. L'inconnu comptait beaucoup sur leur absence et aussi sur l'inattention des contrôleurs. Pour ne pas les rappeler trop brusquement à la réalité, il se détourna à moitié et franchit la barrière. Puis il reprit son attitude de combat, moins provocante cependant, car il se sentait hors de danger, personne ne devant demander son arrestation. Quel est l'homme assez imprévoyant pour s'exposer à aller vider une affaire de cette nature chez un commissaire de police? Maître de la situation, le jeune homme pouvait à son choix disparaître ou jeter un défi à ses adversaires. Fuir, car c'eût été fuir, n'était ni dans son tempérament ni digne d'un caractère français. Laisser croire qu'il avait insulté une femme et reculer devant des hommes, fi donc. Il remit tranquillement son revolver dans sa poche et accompagnant ses paroles d'un rire ironique. « Si le cœur vous en dit, je serai demain à vos ordres. Je vous dois bien ce dédommagement. Mille regrets de votre frayeur. Mon revolver n'a pas de cartouche. » Il fit voler une carte de visite sur large et fort carton, puis, hâtant le pas, il sortit de ma bille et se perdit au milieu des voitures de l'avenue Montaigne. Il était temps. Les 300 ou 400 personnes qui se trouvaient dans le jardin avançaient en masse compacte. Les contrôleurs, surpris d'abord, s'étaient rapidement rendus compte de l'esclandre. Les sergents de ville accouraient. Il ne s'agissait plus d'une simple incartade de galanterie. Un homme armé, c'est toujours bon à prendre, à cette époque-là surtout, presque au lendemain du coup de pistolet du prince Pierre Bonaparte. Qui éteignit l'Empire en plein cœur, on n'était plus que sévère. Trop tard. Ces deux mots, qui ont joué un si grand rôle en politique, sont dans la vie ordinaire d'une constante application. Les contrôleurs et les sergents de ville avaient assisté bel et bien à un grand scandale. Ils n'avaient su ni le contenir, ni arrêter le principal auteur. Et maintenant, tout penaud, ils ne savaient à quoi se résoudre. Ils se regardaient, fort peu satisfaits, n'osant même pas demander la carte de visite qu'un homme sur leur tour avait péniblement ramassée et que, très certainement, ils eussent été impuissants à se faire livrer. Le mieux était de se taire, ce qu'ils firent. Heureusement, le public, quand il n'est pas tracassé, dénoue de lui-même et paisiblement toutes les situations. Qu'y avait-il d'ailleurs au fond de tout cela? Rien, ou presque rien. Bien peu de personnes savaient au juste ce qui était arrivé. 10 versions différentes couraient de groupe en groupe pendant qu'on retournait du côté de la rotonde du bal, avec le vague espoir d'y trouver la contrepartie de cette étrange scène. L'homme avait disparu, mais la femme, elle était toujours là, debout à la même place, attendant le retour de ses mandataires. Les dames de ma vie étaient dans la joie. Leur redoutable rival venait de subir un affront dont elle ressentait une violente colère. Elle s'en réjouissait comme d'un triomphe personnel. Elles auraient bien voulu offrir à la jeune femme de traîtresses consolations. Elles ne s'y hasardèrent pas, de peur de se mettre dans quelque mauvais cas. Aussi se contentèrent-elles de la plaindre de loin, sans parvenir à dissimuler leur bonheur. Les femmes sont cruelles. Ce manège dura jusqu'au moment où les adorateurs de la duchesse la rejoignirent. « Eh bien ?» demanda-t-elle. « Il s'est échappé. Et vous ne l'avez pas suivi ? Ma chère, cet homme-là a des arguments à six coups. » Se disant, un petit crevé qui voulait faire l'aimable simulait le maniement du revolver. La duchesse laissa tomber sur lui un regard si méprisant qu'il baissa les yeux et s'esquiva après avoir cédé le premier rang à un autre qui serait sans doute plus habile. « J'ose espérer, messieurs, reprit-elle, que si vous êtes revenus sans m'avoir vengé, c'est pour d'autres motifs. Il faut que cet homme soit châtié, je le veux. »« Et vous serez vengée, madame, » dit le possesseur de la carte de visite. « Nous n'avons pas voulu nous colter avec ce misérable, mais dès demain... »« Tout de suite, » dit la duchesse, implacable dans son ressentiment. « Y pensez-vous, ma toute belle, cela ne se fait pas. »« Mais savez-vous au moins qui il est ?»« Je n'ose dire que c'est un galant homme, puisqu'il vous a manqué de respect, mais ce n'est pas un lâche. Il n'a pas voulu que nous tenions notre vengeance de vos dénonciations. »« Je ne le connais pas, moi, » s'écria la jeune femme. « Et vous avez son nom, son adresse ?» ajouta-t-elle, anxieuse et oppressée par l'émotion. « Oui, sans doute. »« Oh, donnez, donnez vite !» On lui passa la carte de visite, ainsi libellée, « Julien de Mulsey, 28 rue d'Aumale. » La physionomie de la jeune femme se transforma à la lecture de ce nom. Un éclair de joie féroce jaillit de ses yeux. « Julien, Julien de Mulsey. » Pour bien s'assurer de la réalité de la constatation, elle examina à plusieurs reprises le carré de carton et répéta encore entre ses lèvres crispées « Julien de Mulsey ». Puis s'adressant au groupe qui l'entourait et qui ne comprenait rien à sa mimique « Messieurs, j'ai besoin de votre concours tout entier, de votre amitié dévouée, de votre discrétion absolue. Puis-je compter sur vous ?»« Oui, oui, oui. Merci. Et maintenant allons souper. » Nous réglerons à tête reposée les rôles du drame auquel cet imprudent me convie.